Gangsta, qui m'a dit gangsta, qui peut dire où y'a des gangsters? Dis-moi qui met un homme ça, qui peut dire qu'il est un gangster? Tu vois les gangs ici, gangsta là, de la tête il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire, y'en a respect et mettent le fire. Gangsta, qui m'a dit gangsta, qui peut dire où y'a des gangsters? Dis-moi qui met un homme ça, qui peut dire qu'il est un gangster? Tu vois les gangs ici, gangsta là, de la tête il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire, y'en a respect et mettent le fire. Si t'en vois un, hein, ne réfléchis pas, prends les jambes à ton cou, casse-toi. Fais pas de casque ou la trahira, à moins que tu deviennes foutir toi. Si t'en vois rien ne reste pas là, qu'à des gains de nature ça ne reste pas là. Le game a levé un mal ça ne reste pas là. Tu peux envoyer que tous les sommes ne reste pas là. Qu'est-ce que tu t'imagines? Lis le scénario, note-le sur un mémo. Note-le sur un mille mots. Écris sur le mur, signe le faux. T'as des big bains devant le micro, t'as pas évolué, faut la guerre et t'as donné niveau. Mon frère, mets-toi au niveau. Ma soeur, mets-toi au niveau. Mainstream, nomme des malades complètement débiles. Alors qu'il est pour leur faire un tour dans la ville. Dis-moi, tu sais que tu marches sur un fil. Les bandes, pas des bandes, ils sont pas dociles. Faire une balade, le sprint tranquille, pas de salade. C'est pas facile, tu fais le bad. Boyer le roadboy, te cul. Justement, je me demandais si le mauvais garçon devant toi se pointait. Est-ce que l'impression tu la tiendrais? Ou de ton son tu l'attendrais? Est-ce que ton pote tu le vendrais? Est-ce que ton frog tu le baisserais? Face au black, t'as un homme qui fait le bonhomme. Toi, ça me donnerait. Tu m'as dit gangsta, qui m'a dit gangsta? Qui peut dire où y'a des gangsters? Dis-moi qui met un homme ça? Qui peut dire qu'il est un gangster? Tu vois les gangs ici? Gangsta là, de la tête il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Y'en a respect et mettent le fire. Gangsta, qui m'a dit gangsta? Qui peut dire où y'a des gangsters? Dis-moi qui met un homme ça? Qui peut dire qu'il est un gangster? Tu vois les gangs ici? Gangsta là, de la tête il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Y'en a respect et mettent le fire. Roadboy big boy de Panama accentant. Systématiquement bâti pour le combat. C'est sur le front que l'on voit ce que tu bouges. T'es en pleine crise de paranoïa. Tes cheveux frises tu ne piches pas. La maîtrise tu ne n'as pas. T'as de vie sauf qui peut mon gars. Qui vivra vers un sale mettons le pas. Joue pas à ce que tu n'es pas. Fais pas ce que tu n'aimes pas. Fais-toi tu nous connais pas. Faut pas te prendre au sérieux gars. Tu même pas que le Kaira. Alors parle pas de gangsta. Profite de la vie que tu mènes gars. Profite de tes parents qui t'aiment gars. Baseline. Fais pour la baseline. Vas-y bouge c'est comme pour la castagne oula. Vas-y j'ai boula. J'trouve ta moula. J'aime quand ça bouge moi. J'aime quand tout le monde crie fire. Peace cool, tout le monde est là. Même le musique, qu'elle est cool pour lui, qu'elle est cool pour moi, qu'elle est cool pour toi. Fuck you, baby, toi, comment on fait dans ce temps pas? Plein de sons que l'on n'arrête pas. Si jamais t'apprécies, lève ton bras. T'as des big bains de Panama Center. Jeune homme, jeune fille, wood boy, ladies. Que tu vois comme une bonne friandise. À la manière pure et dure des bonhommes gars. Tu vois une femme sur le mur, respecte la. Eskazi, FTW. Smoker, FTW. Tous les gangsters, FTW. Tous les scarla, FTW. Eskazi, FTW. Smoker, fuck the world. Je vois que les mecs qui mettent le fire, y'en a respecté. Qui m'a dit gangsta? Qui peut dire où y'a des gangsters? Dis-moi qui met un homme ça? Qui peut dire qu'il est un gangster? Tu vois les gangs ici? Gangsta là, de la tête s'il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Y'en a respect et mettent le fire. Gangsta, qui m'a dit gangsta? Qui peut dire où y'a des gangsters? Dis-moi qui met un homme ça? Qui peut dire qu'il est un gangster? Tu vois les gangs ici? Gangsta là, de la tête s'il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Y'en a respect et mettent le fire. Qui prétend être des putains de gangsta au niveau? No. Arrête, je crois pas tout ça, c'est du pipo. No, no. Pas besoin de dire, je sens déjà tous les faux. J'ai le droit qui remonte haut. Les voleurs ont des fous à l'eau. C'est comme ça, c'est toute ta vie, tu penseras être un putain de gangsta, mais tu ne le seras pas. Toute ta clé qui doit barrer vous vite, ça ne pardonne pas dans une défouraillade. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, dis-moi qu'il y a tort, nécro-bas, c'est proche ton glock. Qu'est-ce que tu t'imagines? Non, mais je les signe, toujours à guetter la signe, je ne vois pas tes ça bloque. Gangsta, qui m'a dit gangsta? Qui peut dire où y'a des gangsters? Dis-moi qui met un homme ça? Qui peut dire qu'il est un gangster? Tu vois les gangs ici? Gangsta là, de la tête s'il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Y'en a respect et mettent le fire. Qui m'a dit gangsta? Qui peut dire où y'a des gangsta? Dis-moi qui met un homme ça? Qui peut dire qu'il est un gangsta? Tu vois les gangs ici? Gangsta là, de la tête s'il arrive pas. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Y'en a respect et mettent le fire. Gangsta, gangsta. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Gangsta, gangsta, gangsta, gangsta, gangsta là. Je ne vois que les mecs qui mettent le fire. Y'en a respect et mettent le fire. Gangsta.